L'Association d'études des droits de l'homme de Corée a publié le 20 octobre un acte d'accusation sous le titre « La mise en cause des droits de l'homme destinée à porter atteinte à notre idéologie, à notre régime et à notre dignité est vouée à l'échec général ». Elle a dénoncé. Les forces hostiles calomnient les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée plus lâchement et plus frénétiquement pour étouffer le socialisme coréen qui est prestigieux par l'indépendance, qui a la puissance militaire indéfectible et qui assure une vie méritoire au peuple. Les États-Unis, qui ont tiré profit de l'intervention et de l'invasion sous prétexte du problème des droits de l'homme des autres pays, osent parler d'une violation des droits de l'homme par la tyrannie, cela visant notre direction, et vont jusqu'à rendre publique la soi-disant liste des sujets de sanctions spéciales. Ce pays déclare prolonger jusqu'en 2022 la loi sur les droits de l'homme au Nord, expirée deux fois depuis son adoption en 2004 au Congrès américain. Ces jours-ci, l'ambassadeur américain à l'ONU et l'émissaire spécial chargé des droits de l'homme du Nord ont été en Corée du Sud pour parler de l'urgence et de la gravité du problème des droits de l'homme au Nord, invite à chercher tous les moyens de modifier les règles de compte du Nord et déclare faire passer à l'Assemblée générale de l'ONU une résolution destinée à porter cette année le problème des droits de l'homme au Nord au Tribunal pénal international comme en 2014 et 2015. Insufflé, Pakune parle presque tous les jours de la répression des droits de l'homme au Nord, de la situation misérable des habitants du Nord, de la faim et de l'oppression, pour inciter à la campagne contre les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée. Ses valets aussi s'acharnent à détruire notre unité monolithique en prétendant absurdement l'enregistrement des crimes contre les droits de l'homme et la punition d'un responsable. Pire est que cette témérité sans précédent coïncide avec la publication ouverte au sein des États-Unis de la doctrine sur les frappes préventives destinées à éliminer notre dissuasion nucléaire, avec les opérations militaires de toutes sortes et les exercices militaires d'envergure sans précédent pour leur application qui se livrent frénétiquement dans l'espace aérien, sur le sol et en mer de la péninsule coréenne et de ses environs. La mise en cause des droits de l'homme par les États-Unis, les fantoches sud-coréens et autres forces hostiles est une violation ouverte de la dignité et de la souveraineté de notre République, État souverain légitime, un refus total de notre idéologie et de notre régime, et une terreur d'État ouverte et sérieuse qui vise à renverser notre régime. Dans le monde, il est difficile de trouver un régime social idéal comme notre République, qui réunit impeccablement toutes les conditions et occasions permettant à chacun d'exercer le droit politique sur pied d'égalité, de bénéficier des soins médicaux gratuits et de l'enseignement gratuit depuis sa naissance, de jouir pleinement de la liberté dans la vie et de créer une vie méritoire selon son talent et son espoir. Si l'on veut discuter des droits de l'homme avec la vraie conscience et mettre en cause la violation impardonnable des droits de l'homme, il faut d'abord mettre à jour franchement la situation misérable des droits de l'homme aux États-Unis, pays des voyous, et en Corée du Sud, leur colonie. Nous déclarons catégoriquement au nom de la puissance nucléaire du protecteur prestigieux des droits de l'homme. Les États-Unis doivent abandonner immédiatement l'hostilité, origine des crimes contre les droits de l'homme de la République populaire démocratique de Corée, et présenter sincèrement des excuses pour les crimes commis devant la nation coréenne de siècle en siècle. Pakune et ses valets n'ont pas le droit de survivre, et ils seront punis le plus horriblement. Les peuples progressistes du monde attachés à la dignité et à la conscience de l'homme, à la justice et à la vérité, doivent être vigilants face à l'intervention des États-Unis et de leurs suivistes sous prétexte de défense des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit revenir sur toutes les mesures injustes et déraisonnables prises contre notre République et rejeter la pression et l'arbitraire injuste des forces malsaines pour retrouver son prestige d'institution internationale et gagner la confiance. Nous profitons de cette occasion pour lancer un nouvel avertissement solennel selon lequel tous ceux qui calomnient les droits de l'homme pour bafouer notre idéologie, notre régime et notre dignité en allant à l'encontre de l'époque et de l'histoire ne seront jamais pardonnés et seront l'objet des représailles les plus impitoyables.